Chapitre 14. Et Joseph, frappé de stupeur, pensait en lui-même : Qu'est-ce que je ferai d'elle ? Et il dit : Si je cache son péché, je serai trouvé coupable selon la loi du Seigneur. Si je l'accuse et si je la traduis devant les fils d'Israël, je crains que ce ne soit point juste et que je ne livre le sang innocent à la condamnation de la mort. Qu'est-ce donc que je ferai d'elle ? Je la quitterai en secret. Et il se livrait à ses pensées durant la nuit. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut pendant son sommeil et lui dit : Ne crains pas de garder cette femme, celui qui naîtra d'elle est l'œuvre du Saint-Esprit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il rachètera les péchés de son peuple. Et Joseph se leva, et il glorifia le Dieu d'Israël.